Voyage à l'île de Rhodes par M. Eugène Flandin, 1844. Origine de Rhodes, son rôle dans l'Antiquité, sa réunion à l'Empire d'Orient. Dans les premiers jours de janvier 1844, je quittai Constantinople pour aller en Syrie et de là me rendre en Mésopotamie. Je m'arrêtai à Rhodes. Les nombreux souvenirs, les admirables monuments qui datent de l'époque des chevaliers de l'hôpital, excite un intérêt trop vif pour que, surtout si l'on est français, on ne désire point visiter cette terre toute française. Les édifices, les remparts, les citadelles ont conservé jusqu'à nos jours le sceau de leur origine. Tout y rappelle l'ancienne France de l'Orient, l'héroïque champion de la religion chrétienne et de la civilisation contre l'islamisme et la barbarie envahissante des Ottomans. Dans l'Antiquité, son premier nom, Ophusia, lui fut donné, croit-on, à cause de l'immense quantité de serpents qui s'y trouvaient. Elle ne mérite pas de nos jours ce surnom si peu attrayant, quoique ces reptiles n'y soient pas rares. Il est plus agréable de se la représenter sous son nom actuel, Rhodes ou Rhodos, qui en grec signifie rose. Elle le dut à l'abondance de ses fleurs et à la spontanéité avec laquelle les rosiers croissaient partout où la terre était abandonnée à elle-même. Aujourd'hui encore, elle en produit assez pour qu'il s'y fasse un grand commerce d'essence, de pâtes et de confitures de roses, dont les orientaux sont très friands. Les bois qui couvraient ces montagnes, ces charmantes vallées et leurs bosquets embaumés rivalisaient avec ceux de Paphos et d'Amathonte. Aussi, les anciens, que toutes les voluptés charmaient, lui avaient-ils donné l'épithète de Telkinis ou l'enchanteresse. L'Antiquité était prodigue d'adjectifs. Elle aimait à en chercher d'approprier au caractère distinctif des pays comme des individus. Non contente de ceux qui précèdent, elle avait trouvé, pour cette île, un quatrième nom, celui de Trinacria ou à trois pointes, comme pour la Sicile. En effet, sa forme triangulaire est dessinée par les trois caps saillants qui se nomment actuellement Cap Saint-Étienne au nord, Cap Saint-Jean à l'est et Cap Catavia au sud. Les Phéniciens y fondèrent, à une époque très reculée, les villes de Yelissos, Lindos et Camiros. Plus tard, des colonies grecques s'y établirent et y créèrent, au moyen de leur marine, un petit état qui se développa rapidement, grandissant dans ce vieux monde en force comme en renommée. Des trois villes phéniciennes, Lindos est la seule qui existe encore. La ville de Rhodes, d'après Strabon, fut bâtie par l'architecte qui avait construit le Pirée, et elle remonterait ainsi à 500 ans avant Jésus-Christ. L'île, peuplée par des Phéniciens et des Grecs venus en grande partie de l'archipel, ne pouvait manquer à sa destinée, qui était la navigation. Aussi les Rhodiens excellèrent-ils dans l'art nautique et leurs galères, ainsi que leurs rameurs, jouirent-ils dans l'Antiquité d'une réputation méritée. La supériorité de ces insulaires dans la science navale leur valut l'honneur de voir leur alliance recherchée par différents peuples ou divers conquérants. Ils firent tour à tour cause commune avec leurs compatriotes contre les Perses, bandirent à Xerxès leurs bras habiles avec leurs fines galères, et plus tard suivirent successivement Scipion, Pompée ou Jules César. La mer n'était pas le seul théâtre sur lequel les Rhodiens surpassaient leurs rivaux. Ils s'étaient fait remarquer encore dans la jurisprudence, les lettres et les arts. Leur code naval fut longtemps la règle de toutes les nations dans les conflits maritimes. Indépendamment de leurs écoles d'éloquence et de philosophie, qui ne cédaient en rien à celles de la Grèce, et que Cicéron lui-même ne dédaigna pas de visiter, ils pouvaient à juste titre se glorifier de leurs travaux artistiques. La ville de Rhodes possédait un grand nombre de statues qui, malheureusement, ont disparu, soit dans les tremblements de terre qui ont ravagé l'île à différentes époques, soit en tombant aux mains des barbares qui les mutilèrent. Mais on peut se faire une idée du savoir auquel les sculpteurs de Rhodes parlaient seuls de leurs œuvres qui étaient conservées jusqu'à nous. Ce sont les quatre chevaux de bronze qui figurent aujourd'hui au-dessus de la grande porte de la basilique de Saint-Marc à Venise. Ils sont attribués à Lysippe, qui, abandonnant son marteau de serrurier pour le ciseau de sculpteur, était venu se former à l'école de Rhodes. Il avait attelé ses coursiers au fameux quadrige monté par Apollon et dont les Rhodiens avaient fait présent à Alexandre. Transporté à Corinthe, puis enlevé, par ordre du César de Constantinople, pour figurer dans cette ville parmi tous les chefs-d'œuvre qui devaient orner la Rome orientale, ils y furent pris, en 1204, par les Vénitiens qui en firent hommage à leur saint patron. ce sont ces magnifiques chevaux, attelés aux chars destinés aux conquérants macédoniens, qui vinrent, pendant quelques années, surmonter l'arc de triomphe placé devant le palais des Tuileries pour rappeler les victoires de l'Alexandre français. Mais, jouets du sort et des batailles, et devenus le prix du vainqueur, ils sont retournés à Venise. Parmi les autres œuvres remarquables qui ont honoré cette petite république, on ne peut passer sous silence le célèbre colosse. Cet ouvrage gigantesque fut confié à un sculpteur du nom de Charis, natif de l'Indos et élève de Lysippe. Le métal dont il fut fait est extrait d'une mine située dans la partie sud de l'île. Il en fallut 900 000 livres. Mais Charis travaillait depuis longtemps à sa statue lorsqu'il mourut avant d'avoir pu la terminer. Continuée par un de ses disciples, qui n'y employa pas moins de 12 années, elle coûta 300 talents, équivalent à 1,5 million de francs. Selon Pline, sa hauteur était de 70 coudées, ou 30 mètres environ. Elle représentait Apollon, et d'après ce qui nous a été transmis sur cette merveille, les navires auraient passé entre ses jambes. De plus, le dieu servait de phare et portait un fanal. Ce colosse n'avait encore qu'une 20aine d'années d'existence, lorsqu'un tremblement de terre le renversa, 300 ans avant Jésus-Christ. Les débris de cette masse étaient considérables et d'une grosseur démesurée. On peut s'en faire une idée en songeant qu'un des doigts de la statue était plus grand et plus gros qu'un homme. Il y avait quelque chose comme 1000 ans que la superstition avait laissé à la place où ils avaient été précipités, les membres épars de l'idole colossale. Ce n'était plus pour les générations qui s'étaient succédées que des masses informes de métal, et il n'est pas bien sûr que le souvenir de l'Apollon rhodien eût survécu lorsque les Arabes, s'étant emparés de Rhodes, vendirent à des Juifs le bronze qui en provenait, à la condition de retirer du fond de la mer tous les blocs qui obstruaient le port. On comprend quelle difficulté dut présenter cette opération quand on sait qu'on ne repêcha pas dans l'eau moins de 900 charges de chameaux. Jusqu'à Vespasien, l'île des Serpents ou des Roses avait conservé son indépendance. Ce fut cet empereur qui, dans les premières années de l'ère chrétienne, la lui enleva en la réunissant aux îles du voisinage pour en former une province maritime dont Rhodes devint le chef-lieu. À dater de cette époque, son autonomie cessa d'exister et, partie intégrante d'un vaste empire, son rôle ne fut plus que fort secondaire au milieu des révolutions qui l'ébranlèrent et des déchirements qui le mirent en pièces après les prédictions sanglantes de Mahomet. Rhodes, soumis aux empereurs d'Orient, se relâcha peu à peu dans la suite de son obéissance. Voisine de l'archipel, sur la route de Constantinople à Alexandrie ou à la côte de Syrie, Rhodes se présentait comme un point très favorable aux entreprises des corsaires musulmans. La faiblesse des habitants et l'insouciance des souverains de Byzance les laissèrent s'y installer en maîtres, et les Rhodiens, pour s'être soustraits aux lois de la grande métropole orientale, tombèrent sous le joug des ennemis de leur race et de leur foi, et le subirent jusqu'au commencement du XIVe siècle.